c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Écrit Victor Hugo, à qui il est difficile de donner tort, surtout en ce moment où fleurissent les déclarations d'amour à la littérature, désignée meilleure viatique par temps troublé. Difficile de lui donner tort, mais je vous propose ce matin d'aller plus loin. Jusqu'où tient vraiment la comparaison entre cuisine et littérature? Quel type de nourriture nous fournit le texte? Y a-t-il des romans gras, pleins de lard, et d'autres secs et diététiques? La littérature est-elle la métaphore de la cuisine en cuisine, ou au contraire, notre gourmandise serait-elle l'expression de notre plus haute humanité? Prenez place ce matin, les festivités commencent et autour de la table, laissez-moi vous présenter Alexandre Dumas, Marcel Proust, Rabelais, Platon, Mathias Sénard et en guise de petit four, voici Jean Giono et son grain de sel. On m'a supprimé le sel. Bon, alors là, ça a d'abord été atroce. Le sel, et même dans les évangiles, le sel de la terre, c'est quelque chose. Donc le sel, ça compte, il faut manger avec du sel. Et puis petit à petit, ce mot de sel s'est estompé dans une sorte de long corridor avec des échos lointains. J'entendais de temps en temps encore le mot sel. Puis petit à petit, je n'ai plus entendu le mot sel. Et finalement, je me suis dit, mais c'est bon ce que tu manges. Mais c'est finalement bon, seulement ça a un autre goût. Par exemple, la pomme de terre, elle a un goût particulier avec le sel. Si vous la mangez sans sel, c'est tout à fait un autre goût que vous ne retrouvez plus. Seulement, vous vous attendez au goût avec le sel. Alors, c'est pourquoi vous avez envie de sel. J'en mets un tout petit grain, comme ça, un tout petit grain de sel. C'est le grain de sel du fabuliste. Le fabuliste était très sage, il savait très bien les choses. Quand il a parlé du grain de sel, mais ceux qui en mettent des poignées de sel dans leur truc, comme je faisais un peu avant, moi d'ailleurs, on mettait quelque chose dans mon assiette et je salais immédiatement sans le goûter. Mais maintenant, je mets un grain de sel. Et le grain de sel, alors ça, c'est très précieux. J'ai été très content d'être réduit au grain de sel. Bonjour Mathias Sénard. Bonjour Adèle Vendrette. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous, en Charente-Maritime. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi producteur de l'émission La Salle des Machines. On peut vous écouter tous les dimanches à 17h sur France Culture, vous y parlez de littérature, vous recevez des grands écrivains. Peut-être y parlez-vous de cuisine aussi de temps en temps? Jusqu'ici, non, mais j'adorerais. Je vous attends sur ce sujet, puisque je crois que c'est avec gourmandise que vous allez en parler ce matin. Est-ce que comme Jean Giono, vous considérez que le sel est indispensable à la cuisine, tout comme est la littérature à la vie, au fond? Oui et non, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Jean Giono pour dire que tout est possible, même sans sel, hein, ce qui va réjouir les hypertendus. Ouais. Et aussi la littérature sans sel, c'est juste un autre goût. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est cette diversité, justement, la possibilité de l'avec et du sans, du plein et du vide que nous offre à la fois la cuisine et la littérature. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Giono, finalement, après, il a plus du tout entendu parler de ce sel et de ce grain de sel. Et même si justement quand on l'ajoute, on obtient quelque chose de différent. Et finalement, quand on rajoute du sel, on sent bien plus le sel que la pomme de terre, comme il disait fort justement. Mais alors, comment est-ce que vous définiriez votre rapport à la littérature et votre rapport à la cuisine? Peut-être présentez-vous sous ce rapport-là, sous ces rapports-là, pour commencer l'émission. Ah, sous ce rapport-là, j'ai un rapport gourmand à la littérature et passionné à la cuisine et à la gastronomie, ou inversement. Et, disons que je suis un... Avant d'être auteur moi-même, je suis avant tout un lecteur passionné et aussi un lecteur de livres de cuisine. C'est-à-dire que même si je cuisine un peu moi-même avec plaisir, j'aime aussi lire beaucoup la cuisine, ce qui est une passion assez peu répandue. Je collectionne un peu les ouvrages de cuisine, les livres de recettes depuis le 19e siècle. Et donc, j'aime aussi lire beaucoup et découvrir un peu par l'imagination et le plaisir des mots et imaginer ce que peut être un plat en cuisine. Et donc, de ces deux passions, la littérature et la cuisine, se rejoignent dans le livre de recettes ou les descriptions gastronomiques et, qui sont un plaisir infini parce que, justement, on n'a pas l'inconvénient du cholestérol et des effets du surpoids. C'est la même gourmandise. C'est la même gourmandise pour vous de cuisiner ou de manger que d'écrire et de lire? C'est du même ordre, au sens où c'est de l'ordre du plaisir. Bon, bien sûr, la littérature peut tout, hein. La littérature, c'est aussi la pensée, pas uniquement l'imaginaire ou les plaisirs du corps. Donc la littérature est sans doute peut-être plus vaste que la cuisine, mais la cuisine permet énormément de choses. Le voyage, la réflexion, la physique, la chimie. Donc disons que les deux pour moi sont vraiment complémentaires et font partie du sel de la vie. On connaît de vous peut-être votre roman Boussole, parce qu'il a reçu le prix Goncourt en 2015, publié aux éditions Actes Sud. En 2020, vous avez fait paraître le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. On connaît peut-être moins votre préface à l'anthologie La cuisine des écrivains, ou de la littérature à l'estomac, qui était publié en 2010 aux éditions Inculte. Je crois que l'ouvrage, on ne peut plus le trouver malheureusement. Mais dans la préface de celui-ci, vous dites « Aucun art n'est aussi proche de la cuisine » que la littérature. Donc pour vous, la comparaison est tout à fait légitime. La comparaison est légitime. Là, je parlais peut-être plutôt du roman en particulier, qui me semble, parmi tous les genres littéraires, celui peut-être dans lequel on peut mettre le plus d'ingrédients et qu'on pourrait peut-être comparer, même si la comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, métaphoriquement, rapprocher les deux. Et oui, dans cette préface qui est plutôt assez ludique, qui cherche à être un peu humoristique, je filais la métaphore et me demandais ce que serait justement le rapport entre roman et cuisine. Quel type de cuisine serait l'écriture d'un roman? Et est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Oui, enfin, je crois que dans cette préface, à l'époque, Ah, vous avez le droit d'avoir changé d'avis, hein. Non, je sais pas si je le créerais de la même façon. Mais en tout cas, ce qui m'amusait, c'était d'essayer de voir s'il y avait, justement, du roman sans gras. Est-ce que finalement, ce qui faisait, dans une vision peut-être un peu baroque des choses, est-ce que ce qui faisait le roman, c'était pas le gras dans le sens de l'ornement, de tout ce qu'on peut enlever. Et alors maintenant, peut-être que si je me repenchais sur cette question, ce serait peut-être plutôt la liaison. Comme on dirait en cuisine, de lier une sauce, ce serait peut-être ça, cette liaison qui me semblerait plus indispensable dans un roman que le gras en soi, c'est-à-dire l'excès. Ce qui colle, même si on sait qu'il y a une association là neurologique apparemment démontrée entre le gras et le plaisir. Et donc peut-être ce qui nous fait plaisir dans un roman, c'est aussi son gras. Est-ce que ce qu'on aime, en tout cas moi comme lecteur, ce que j'adore, ce sont justement les digressions qui seraient un peu le gras de l'art romanesque. C'est Alexandre Dumas qui affirme « sans l'art, point de cuisine ». Et vous renchérissez, hein, « sans l'art, point de littérature ». On va découvrir ensemble, parce qu'il n'est pas très connu, le grand dictionnaire d'Alexandre Dumas, un grand dictionnaire de cuisine. Vous avez choisi un passage en particulier, Mathias Sénard. Est-ce que vous voulez nous le présenter ou est-ce qu'on l'écoute et on garde la surprise? Oh ben on l'écoute et puis on en parlera après. Ok, alors le voici. Grand dictionnaire de cuisine, éléphant. Que ce titre n'effraie pas le lecteur, nous n'allons pas le condamner à manger tout entier ce monstrueux animal, mais nous l'engagerons, si toutefois il lui tombait une trompe ou des pieds d'éléphant sous la main, d'y goûter en les assaisonnant de la façon que nous allons indiquer plus loin et à nous en dire après des nouvelles. La Cochinchine est peut-être aujourd'hui la seule nation qui mange la chair de l'éléphant et la regarde comme un aliment très délicat. Nous allons donc indiquer une recette pour les pieds d'éléphant. Prenez un ou plusieurs pieds de jeunes éléphants, enlevez la peau et les os après les avoir fait dégorger pendant 4 heures à l'eau tiède. Partagez-les ensuite en 4 morceaux dans la longueur et coupez-les en 2. Faites-les blanchir dans de l'eau pendant 1/4 d'heure. Passez-les ensuite à l'eau fraîche et égouttez-les dans une serviette. Ayez ensuite une braisière qui ferme bien hermétiquement. Placez au fond de cette braisière 2 tranches de jambon de Bayonne, mettez dessus vos morceaux de pied, puis 4 oignons, 1 tête d'ail, quelques aromates indiens, une demi-bouteille de madère et 3 cuillerées de grand bouillon. Couvrez bien ensuite votre braisière et faites cuire à petit feu pendant 10 heures. Faites passer la cuisson bien dégraissée à demi-glace en y ajoutant un verre de Porto et 50 petits piments que vous aurez fait blanchir à grande eau et à grand feu pour les conserver très verts. Il est nécessaire que la sauce soit très relevée et de bon goût. Veillez surtout à ce dernier point. Les Indiens ne font pas tant de façons. Il est vrai qu'ils sont moins versés que nous dans les mystères de la haute cuisine. Aussi font-ils tout simplement cuire sous la cendre, après les avoir préalablement enveloppés dans des feuilles serrées avec des fibres de jonc. Ce qui ne les empêche pas du reste de s'en régaler. Littérature et cuisine, ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie avec ce grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Ici, l'extrait a été lu par Denis Podalydès. Le grand dictionnaire de cuisine, Mathias Sénard, a été publié de manière posthume en 1873. Alexandre Dumas y propose près de 3000 recettes, mais aussi des récits de voyage, des notes biographiques. On lit les entrées du dictionnaire comme une encyclopédie culinaire. On va du terme « abaisse » jusqu'au terme « zeste ». Et on y trouve cette recette pour cuire un pied d'éléphant, et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Si, c'est un peu une blague quand même. Ah parce bon. C'est justement la caractéristique aussi de ce dictionnaire, c'est qu'il est démesuré, un peu à l'image d'Alexandre Dumas. Comme vous l'avez bien dit, c'est aussi un récit de voyage, des mémoires, des anecdotes personnelles. Et là-dedans, des cuisines, des recettes assez fantastiques, au sens premier du terme, c'est-à-dire que il est bien évident que, comme bon, il le laisse entendre lui-même, Dumas n'a pas cuisiné de pieds d'éléphant, mais il imagine qu'est-ce qu'il en ferait s'il tombait sur des pieds d'éléphant, et il les ferait un peu comme des pieds de veau ou des pieds de porc. Parce que si vous regardez aussi la recette qu'il donne pour les pieds de veau ou les pieds de porc, c'est à peu près la même, moins les 50 piments, petits piments blanchis qu'il ajoute à cette sauce. Donc pour lui, c'est un livre encyclopédique de voyage un peu fou. Alors si c'est c'est une édition donc posthume de 1873 parce que justement Dumas était en train de compiler ses notes qu'il avait prises pendant toute sa vie et notamment au cours de ses nombreux voyages. Parce que ce qu'on oublie assez souvent, enfin d'Alexandre Dumas, c'est que bien sûr on se souvient du romancier de Monte Cristo ou des Trois Mousquetaires, mais on oublie que c'est un très très grand auteur de voyages notamment en Russie, dans le Caucase, mais aussi dans le sud de la Méditerranée, en Espagne. Et dans ces récits de voyage se trouve un peu la matière première de ce dictionnaire de cuisine. C'est-à-dire que non seulement il est question de cuisine parisienne, française, de cette gastronomie qui est évidemment en plein essor et en création tout au long du 19e siècle et de la vie de Dumas, mais aussi de ce qu'on mange à l'étranger et des aventures gastronomiques et culinaires de Dumas au cours de ses voyages. Et par exemple, je me souviens une des premières remarques qu'il fait en arrivant en Espagne, c'est qu'on y mange très mal, qu'il est la fameuse auberge espagnole signifie qu'il faut arriver avec son manger, et qu'il n'y a rien de bon, qu'on ne chasse soi-même, nous dit-il. D'ailleurs, la chasse est aussi un des grands plaisirs de Dumas, puisqu'il fait des détours pour chasser les divers animaux qu'il cuisine ensuite, parfois même lui-même, ce qui est aussi assez rare à l'époque. Dumas aime cuisiner, et notamment ce grand dictionnaire de cuisine, il nous raconte plusieurs des occasions où il a régalé ses amis de menus improvisés, un peu à la manière de défis qu'il se lance ou qu'on lui lance, et qu'il réussit magnifiquement, hein, en cuisinant lui-même des dizaines de plats. Donc, ouais. Extraordinaires les uns que les autres. Il se vante aussi beaucoup, hein. Dumas est un, on le connaît, un vantard. Grand vantard. Et aussi, oui, oui, il aime beaucoup parler de lui dans ces termes à la fois ironiques, amusants, qui ne trompent personne, et dans lesquels il raconte, par exemple, ils étaient dans une auberge du Caucase, et puis, il n'y avait pas de beurre, et pour cuisiner, c'était extrêmement ennuyeux, et donc il s'est dit, c'est pas grave, je vais faire du beurre. Et alors là, il raconte qu'il prend une bouteille, du lait, de la crème, et qu'il secoue la bouteille et fait secouer par un domestique qui était là pendant quelques heures jusqu'à obtenir du beurre pour ensuite pouvoir cuisiner. Voilà, c'est ce genre d'homme, Alexandre Dumas. Et c'est pour ça que la lecture du grand dictionnaire de cuisine est vraiment délicieuse aussi. On y trouve aussi des dessins, hein. C'est vraiment une espèce d'album de voyage encyclopédique très bien fourni et assez drôle souvent. Mais ça veut dire, en fait, ce que vous venez d'en dire, Mathias Sénard, qu'il y a un rapport aussi, non seulement littérature et nourriture, on l'a dit, mais nourriture et voyage, pardon. Ça veut dire qu'au fond, Dumas lui-même se nourrit de ses voyages au sens propre et au sens figuré pour le réinjecter dans sa littérature. Tout à fait. Et d'ailleurs, les voyages sont vraiment une de ses sources d'inspiration première pour ces personnages et aussi, bien sûr, pour la gastronomie, avec l'imaginaire, hein, puisque il est aussi question de beaucoup de cuisine imaginaire, comme ces pieds d'éléphant qu'on vient d'entendre, mais aussi il y a cette anecdote très célèbre où il parle de l'ours, et puisqu'on parle de pieds et de pattes, et donc il donne aussi une recette de pâtes d'ours, mais auparavant il raconte cette anecdote quand il était encore un jeune écrivain. Il a fait paraître dans un article un petit récit dans lequel il se mettait en scène lui-même en disant qu'il avait mangé de l'ours dans une auberge de Montigny. Et évidemment, l'aubergiste s'est plaint. Il a écrit dans tous les journaux en disant que non, évidemment, il ne servait pas du tout d'ours, que c'était absolument exagéré. Et Dumas a dit, oui, cet aubergiste était bien imbécile, il aurait mieux fait de servir de l'âne ou du cheval en disant que c'était de l'ours, et il aurait fait fortune grâce à moi. Et donc, on voit qu'il en est pas, enfin, que pour lui, la vérité n'est pas forcément un critère, et la réalité des faits s'efface facilement devant le plaisir de la littérature. Il donne donc, ensuite une recette de pâtes d'ours qui ressemble un peu à celle des pieds d'éléphant. Oui, dans le registre de la gastronomie improbable, mais il y a aussi des considérations plus sérieuses et philosophiques, disons-le, dans ce texte-là. Dès le début, les quelques mots au lecteur que Dumas adresse, au lecteur donc, il écrit « L'homme reçut de son estomac en naissant l'ordre de manger au moins 3 fois par jour, pour réparer les choses que lui enlève le travail et, plus souvent encore, la paresse. Comment l'homme est-il né? Dans quel climat assez vivifiant et assez nourricier pour arriver sans mourir de faim à l'âge où il peut chercher sa nourriture et se la procurer? C'est là le grand mystère qui a préoccupé les siècles passés et qui préoccupera, selon toute probabilité, les siècles à venir. Mais quelque part que l'homme soit né, il faut qu'il mange. C'est à la fois la grande préoccupation de l'homme sauvage et de l'homme civilisé. Seulement, sauvage, il mange par besoin. Civilisé, il mange par gourmandise. Et c'est pour l'homme civilisé que nous écrivons ce livre. Sauvage, il n'a pas besoin d'être excité à l'appétit. » Ce qui est génial dans ce passage, Mathias Sénard, c'est que Alexandre Dumas fait de la gourmandise le signe par excellence de la civilisation. Et oui, en ce sens, mais on pourrait même aller plus loin et penser que la sauvagerie se trouve aussi à l'intérieur de notre civilisation, au sens où quelqu'un qui ne serait pas intéressé par la gourmandise ou qui ne la ressentirait pas serait un sauvage et pourrait donc être un peu exclu de cette société qui intéresse Alexandre Dumas. À mon avis, il ne pense pas uniquement à des sauvages lointains, hein, mais fait bien référence aussi à ses contemporains, et puisque un peu la grande question de Dumas vis-à-vis de ses lecteurs, c'est cette espèce de volonté qu'il a toujours de rallier les gens à lui, hein, et à son œuvre. Et là, dans ce petit texte que vous venez de lire, j'entends, du moins en ce qui concerne Alexandre Dumas, cet appel un peu vers lui en disant « Regardez, gourmand qui me lisait, rejoignez-moi dans ces plaisirs ». Il paraît que Dumas n'aimait pas trop Brillat Savarin, dont on parlait hier, hein, sa physiologie du goût, parce qu'il le trouvait trop théorique. Pourtant, Brillat Savarin ne dit pas autre chose que ce qui fait l'essence de l'homme civilisé, c'est justement la gourmandise, c'est le fait de continuer à manger quand on n'a plus faim. Oui, effectivement, mais ça, je pense que c'est une des questions aussi autour de Dumas, c'est qu'il avait parfois des haines, peut-être ce serait un peu fort, mais en tout cas, des gens qu'il appréciait pas, et dont en fait on peut finalement assez facilement les rapprocher quand même. Et justement, Brillat Savarin, effectivement, je pense que ce qu'il appréciait pas, c'était sa personnalité, et puis le fait que c'était pour lui un peu rapide et puis un peu à la mode, et que ce qui comptait dans la cuisine, c'était peut-être pas tellement justement d'en tirer une quelconque essence philosophique, mais plutôt de parcourir la planète pour manger les choses les plus diverses dans les circonstances les plus exceptionnelles. Et c'est un peu cette différence entre, pour le dire vite, la théorie et la pratique, je pense, qui gêne un peu Dumas, même si au fond, effectivement, ils sont d'accord. Allez, des pieds d'éléphant au bœuf en gelée, pas n'importe lequel, un bœuf en gelée préparé par le Michel-Ange de la cuisine. J'ai nommé Françoise dans La Recherche du Temps Perdu. Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer selon des méthodes sues d'elle seule du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux halles se faire donner les plus beaux carrés de rhum steak, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange, passant 8 mois dans les montagnes de Carrare, à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ses allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietraganta. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mie de pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de New York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler de jambon d'York, avait-elle cru qu'elle avait mal entendu et qu'on aurait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis, le mot d'York se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux, si elle lisait une annonce, de « New » qu'elle prononçait « Nev ». Et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine « Allez me chercher du jambon chez Olida, madame m'a bien recommandé que ce soit du New York ». Ce jour-là, Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et ce texte, Mathias Sénard, illustre exactement ce que nous étions en train de dire sur les liens entre cuisine et littérature et cette gourmandise que l'on sent ici dans l'écriture même de Proust. Parce que les talents de cuisinière de François sont injustement méconnus. D'elle, on retient généralement sa manière de s'exprimer. Justement, elle dit pas New York, elle dit New York. Alors que ce qu'elle cuisine, et on le voit bien que le narrateur essaye de louer ses talents à quelque chose d'inoubliable pour lui-même, mais aussi pour le lecteur. Ah oui, moi j'adore ce texte. Et donc c'est pour recevoir Monsieur de Norpois, si je me souviens bien, que c'est ça, que Françoise prépare ce bœuf en gelée. Et j'avoue que moi-même, enfin je sais pas si vous avez goûté du bœuf en gelée, mais pas ce que je préfère, jamais... je crois. Ah oui, j'ai jamais trouvé ça très bon, moi. Justement. Voilà. Ben non, c'est ce que je dis, c'est pas ce que je préfère. Ah d'accord. Et donc ça me semble extraordinaire que Proust y attache un prix comme ça aussi grand, et cette description de Françoise est absolument merveilleuse. Voilà, la Michel-Ange de la cuisine, celle qui va au hall comme on va à Carrare, enfin, on l'envie immédiatement. Mais il y a aussi peut-être quelque chose de très ironique, justement parce que le résultat, finalement, c'est pas le David, hein, le résultat, c'est du bœuf engelé. Et s'il y a quelque chose, à mon avis, qu'on peut reprocher au bœuf engelé, c'est que c'est normalement pas très beau, malgré les, enfin, c'est très difficile de laisser les carottes brillantes, elles deviennent tout de suite ternes dans cette gelée qui prend souvent une couleur un peu marronasse, et puis la matière de la gelée, c'est assez difficile, à part dans certains plats allemands, par exemple, le jambon en gelée, tout ça. Sinon, le bœuf en gelée, justement, me semble quelque chose d'assez terne. Donc, c'est toute la magie de Proust que de nous donner envie de goûter ce bœuf en gelée préparé par Françoise. Alors, c'est intéressant de voir comment les écrivains s'y prennent pour décrire les aliments et la saveur des aliments, parce que ça varie beaucoup d'un Dumas à un Flaubert à Proust, justement. Et ici, par exemple, le procédé littéraire qu'il met en place pour décrire ce bœuf en gelée, c'est de le peindre comme un véritable tableau, d'où la comparaison à Michel-Ange. Oui, mais c'est ça qui est absolument fascinant, de toute façon, dans la relation entre littérature et cuisine, c'est cette possibilité de la description et de sa grande diversité. Que ce soit la description du plat en train de se faire, c'est-à-dire des gestes de la cuisine, ou là même avant, de l'achat, du marché, des produits quand ils sont encore crus, de leur préparation, les différents verbes extrêmement techniques qu'il y a dans la description de la cuisine, ou une fois le plat sur la table, la description de ce qu'on mange, et ensuite même la description de la sensation au moment, hein, où on l'ingère. Et dans tous ces domaines, Proust, évidemment, on le sait de toute façon, assez génial, hein, puisque justement il trouve une façon donc métaphorique, cette idée des halles et de Carrare, pour parler à la fois de la préparation du plat, mais ensuite il file cette métaphore pour savoir justement le décrire. Voilà. Et puis on sait par ailleurs tout ce que Proust sait faire en matière de description du goût et de cette association avec la mémoire et ainsi de suite. Donc Proust, comme auteur gastronomique, est assez magique. Et d'ailleurs, on se souvient que dans La Recherche, d'ailleurs, il dîne beaucoup, hein, tous ces personnages. Oui. On passe leur temps à souper, à dîner. Donc, on a énormément de récits de repas, mais assez peu de vision en cuisine, comme ce bœuf en gelée de Françoise. Ben, on a la visite des cuisines, hein, dans la côté de Guermantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand le narrateur, ouais, justement, entre dans les cuisines avec Saint-Loup. Enfin, il a rendez-vous avec Saint-Loup, en tout cas. Et justement, ce personnage de Françoise qui est doublement attachant, puisqu'on sait que c'est Françoise, c'est le lieu normalement du langage, hein, comme vous l'avez dit, de cette façon de parler assez extrêmement particulière. Mais c'est aussi le lieu du souvenir gastronomique. C'est une double tendresse qu'il y a le narrateur pour Françoise. Oui, parce que c'est une vraie artiste à ses yeux. Elle invente un langage, au fond, de même qu'elle invente des plats. On trouve dans La Recherche, vous l'avez dit, alors il y a de nombreuses scènes de repas, mais il y a des éléments, des ingrédients qui reviennent, où il y a la glace à la vanille, des guermantes, les crèmes au chocolat, il y a la simple salade de pommes de terre, il y a évidemment la madeleine qui est courte et dodue, au début en tout cas. Il y a plusieurs plats qui reviennent, souvent avec gourmandise, et pourtant Proust lui-même n'avait pas un rapport gourmand à la nourriture. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Céleste Albaret, qui était la servante dévouée de Marcel Proust, et qui témoigne ici en 1949. Il n'avait jamais, jamais de repas, à heure fixe. Il prenait très peu parce qu'il disait que quand on mangeait beaucoup, on ne pouvait pas travailler. Il prenait un café au lait et des croissants, comme je viens de vous le dire. De temps en temps, il avait des désirs car il était très gourmet. Et alors, quand il voulait un plat qui, par hasard, il désirait prendre, il le faisait porter de chez la rue. Et plus tard, il était devenu un fervent du Ritz, et c'était chez l'hôtel Ritz qu'il faisait apporter ce qu'il désirait. Et je lui faisais quelquefois quelque chose comme des pommes de terre frites ou un poulet. Une seule frite, des choses comme ça auxquelles il aimait beaucoup, mais très peu et rarement, et je dirais même que les dernières années, il n'en prenait presque jamais. Une seule frite, on dirait le grain de sel de Giono qui a ouvert cette émission. C'est d'autant plus émouvant d'entendre cette voix, Mathias Sénard, que Céleste Albaret aurait servi de modèle justement pour le personnage de Françoise. Oui, c'est aussi assez triste, puisque bon, on ne peut pas oublier que Proust, bien sûr, était malade, hein, gravement malade, donc ça explique aussi son peu d'appétence pour la nourriture. Et puis, il a raison de dire qu'effectivement, quand on mange beaucoup, on travaille beaucoup moins bien, enfin, on a un peu le cerveau... doucement endormi par la digestion. Et effectivement, l'écriture, ça peut avoir aussi quelque chose de sportif. En tout cas, c'est aussi une activité du corps qui demande peut-être certaines assaises, ou en tout cas, dans ces moments d'écriture, pour préserver le fonctionnement de son cerveau, il vaut mieux pas trop manger. Ça, c'est vraiment une question intéressante du lien entre le corps de l'écrivain, gastronome ou pas d'ailleurs, et son écriture. Et au fond, la réflexion sur la cuisine nous invite à réfléchir sur ce sujet. Proust faisait des phrases très très longues alors que lui-même avait le souffle très court. C'est comme s'il y avait une compensation par l'écriture de sa propre condition physique. Oui, peut-être c'est... sans doute, je sais pas trop si réellement... ces parallèles sont forcément... Enfin, si on imaginait l'inverse, est-ce que quelqu'un qui ferait des phrases très courtes serait forcément un coureur de fond ? Rien n'est moins sûr. Non, c'est une manière de réfléchir. Je ne sais pas comment vous le vivez. Comment votre rapport au corps engage votre rapport à l'écriture ? Oui, mais alors c'est vrai que justement, c'est pour moi, l'écriture, c'est aussi une façon peut-être d'échapper à mes penchants les plus gloutons, et que peut-être quand j'écris et qu'il faut justement une discipline à la fois du corps et de l'esprit, c'est peut-être pour ne pas manger autant que je voudrais, ou en tout cas pour avoir une vie beaucoup plus saine que je ne l'aurais si ce n'était pas le cas. Et peut-être c'est pour cela aussi que je lis plutôt des livres que de cuisine, plutôt que de cuisiner moi-même tous les jours. Est-ce que finalement l'écriture, c'est une forme aussi de transformation de soi, au sens où il faut se jeter tout entier dans un projet, et donc y jeter son corps aussi, ou en tout cas essayer de faire en sorte que votre corps vous porte, hein, jusqu'au bout de ces 3, 4, 500 pages que vous avez devant vous. Donc c'est aussi une activité finalement extrêmement physique. C'est ça. Et comment est-ce qu'on prend... Parce qu'on est obligé de veiller à son corps dans ces cas-là. C'est ce que disait Céleste Albaret, il ne mangeait presque plus Proust. Mais pour écrire, même si pour vous, écrire vous détourne de la nourriture et que parfois c'est pour le meilleur, il y a quand même besoin d'une espèce de carburant. On doit prendre soin de son corps pour bien écrire. Ou est-ce qu'au contraire, le corps de l'écrivain est une espèce de sanctuaire sacrifié sur l'autel de la littérature ? Ben il y a vraiment des... Bon, on se souvient tous de Balzac, hein, qui sacrifie son corps à la caféine, qui buvait en décoction, à sachet. Donc là-dedans, je pense qu'il y a autant de corps qu'il y a d'écrivains. Et chacun, je pense, a une réponse différente. C'est vrai que moi-même, par exemple, j'ai longtemps négligé mon corps, au sens où je pensais qu'il pouvait me porter à travers des milliers de pages assises, juste par l'injonction de mon cerveau. Et je me rends compte qu'il faut que j'en prenne de plus en plus soin, parce que c'est quand même une activité qui demande d'être assis, d'avoir un dos, des jambes, des mains, et que le cerveau finalement se nourrit de tout cela. Donc, avec le temps aussi, on change. C'est vrai que peut-être la puissance de la jeunesse, hein, c'est aussi d'avoir un corps qui résiste à l'écriture. Non pas que l'activité d'écrire soit physiquement éprouvante, mais elle l'est si on considère que ce sont tout simplement des dizaines et des dizaines d'heures sous la lampe à à penser, et autant le cerveau a besoin de carburant, comme vous disiez, autant le corps a lui aussi besoin non seulement de le reste du corps a aussi besoin non seulement de carburant, mais aussi d'exercice, de marche, de diverses façons d'éliminer un peu les toxines de la position assise. Et c'est vrai que avec l'âge, peut-être par exemple, je me rends compte que je travaille aussi beaucoup en marchant, ce qui ne m'arrivait pas avant. Et je pense que c'est, il y a aussi toute une tradition d'écrivains marcheurs dont le corps justement voilà, peut-être profite de cette activité pour se recharger, ou en tout cas oui. Éliminer les toxines et oxygéner le cerveau. C'est Flaubert qui parlait qui désignait les écrivains qui restent assis comme étant des culs de plomb. La phrase est mémorable. Alors celui qui établit le mieux sans doute l'équivalence entre d'un côté l'apprentissage du savoir et de l'autre le plaisir de la bouche, c'est Rabelais. Voici, écoutez bien, la naissance de Gargantua. Voici l'occasion et manière comment Gargamel enfanta. Et si vous ne le croyez, le fondement vous échappe. Le fondement lui échappait, une après-dînée, le troisième jour de février, pour avoir trop mangé des gouttes bilots. Les tripes furent copieuses et tant friandes que chacun t'en léchait ses doigts. Le bonhomme grand gousier y prenait un plaisir bien grand et commandait que tout alla par écuelle. Toutefois, il disait à sa femme qu'elle en mangeât moins, vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripaille en tant que flacon d'excréments n'était pas une viande louable. « Par ma foi !» disait-il. « Il a grande envie de mâcher merde, celui qui en mange le sac. » Nonobstant ses remontrances, elle en mangea 16 muits, 2 bussards et 6 tupins. Oh, la belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Peu de temps après, elle commença à soupirer, se lamenter et crier. Des sages-femmes vinrent de tous côtés et, la tâtant par le bas, trouvèrent quelques bouts de peau assez de mauvais goût. Elle pensait que ce fut l'enfant, mais c'était le fondement qui lui échappait pour cause de la mollification du gras intestin d'avoir trop mangé des tripes, comme l'avons déclaré ci-dessus. Par cet inconvénient, furent relâchés les cotylédons de la matrice et l'enfant sursauta. Il entra dans la veine creuse et, grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille. Dès qu'il fut né, ne cria pas comme les autres enfants « mi, mi, mi », mais à haute voix s'écriait « à boire, à boire, à boire ». Le bonhomme grand gousier, beuvant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait en entrant en lumière de ce monde. Lors, il dit « que grand tu as !» sous-entendu le gosier. Ce qu'entendant, les assistants dirent que vraiment, pour cela, il devait avoir le nom de Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance. Eh oui, Gargantua signifiant le gosier. Alors le Gargantua de Rabelais est devenu tellement célèbre qu'aujourd'hui il est passé dans le langage courant pour désigner un appétit énorme et insatiable. Et là on entend, Mathias Sénard, que le corps est tellement pris au sérieux que finalement on peut pas parler de nourriture sans parler des excréments. Il faut envisager les choses d'un côté comme de l'autre, ce qui montre que sans doute là aussi file la métaphore du mode de connaissance qu'est le fait de manger. Et finalement, ce qu'on sait, c'est aussi ce qu'on recrache d'une manière ou d'une autre. Oui, mais il y a aussi surtout cette parenté entre ce qu'on mange, c'est-à-dire si vous mangez des tripes, eh bien vous allez comme le dit très bien Rabelais, ben vous allez votre intestin va s'en ressentir, c'est-à-dire qu'on ressemble aussi à ce qu'on mange, hein, et donc l'effet de l'ingestion dépend aussi de ce qu'on avale. Ben, cette scène dit aussi beaucoup de l'anatomie à l'époque. Enfin, c'est tout un monde, hein, qui s'ouvre là. C'est non seulement bien sûr le monde du Saccus merdae, de cette matière fécale qui justement n'est pas sans noblesse, hein, chez Rabelais, mais aussi cette vision du monde propre à la Renaissance, ou de ces relations entre cause et effet dans la médecine ou même la relation au corps de l'époque. Et c'est assez fascinant de voir ça résumé dans un passage qui est extraordinairement plaisant en même temps. Hein. Et d'autant plus qu'on a l'impression que Gargantua devient le personnage de Rabelais, alors que Gargantua préexiste à Rabelais. Et Rabelais fait, disons qu'il imagine les causes de sa naissance, il lui donne une certaine réalité et une biographie à un géant mythique ou mythologique de l'ouest de la France qui existait déjà. Donc c'est Rabelais qui invente cette étymologie que Grantua pour Gargantua, hein, qu'il pose comme ça sur le nom de Gargantua qui existait déjà. Donc ces quelques lignes montrent déjà une grande partie de l'immensité du génie de Rabelais. D'ailleurs, vous le citez dans votre dernier ouvrage, hein, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, qu'on trouve aux éditions Actes Sud, où vous proposez un voyage, non plus à travers le monde cette fois, mais dans l'histoire de votre Poitou natal. Et il y a plusieurs mentions qui sont faites de Rabelais. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous ? Oui, ça c'était justement, disons que les territoires de l'Ouest qui m'intéressaient dans ce livre sont aussi ceux de Rabelais. C'est-à-dire que Rabelais a été, on le sait, novice à Fontenay-le-Comte et notamment à l'abbaye de Maizet, dont on pense qu'il en fait son modèle de l'abbaye de Thélème. Et ça, ce sont des lieux qui sont dans le livre. Et au-delà, je raconte un autre épisode inspiré de Rabelais de la vie de Gargantua dans ce banquet un peu foutraque des Fossoyeurs qui est au centre du livre. Mais c'est vrai que le quand on dit rabelaisien, alors ouais, on peut je sais pas accrocher beaucoup de sens très différents à cet adjectif. Dans l'ouest de la France, c'est assez réel puisque ces territoires sont vraiment rabelaisiens au sens propre. On sait qu'il est né à côté de Chinon, à la Devinière. La maison est toujours là. Les vignes, on mange des fouasses, ces fameuses fouasses qui sont le casus belli des guerres du père de Gargantua. Donc tout ça est vraiment présent et là marqué dans le territoire. On raconte par exemple dans certains villages quand il y a une motte, c'est un peu un tertre au milieu de la plaine, que c'est une des traces de pas de Gargantua par exemple, hein. Donc c'est Rabelais est aussi très présent, et pour moi en tant qu'écrivain c'est aussi une source d'inspiration extraordinaire pour la langue. C'est-à-dire que Rabelais a une liberté absolument totale. Il invente sa langue. Il invente la langue de le français du roman. Peut-être de la même façon que Montaigne invente le français des essais. Et donc Gargantua, c'est aussi une matière linguistique absolument fabuleuse, pleine d'inventions, comme on vient d'entendre, magiques, et une langue évidemment qui est parfois rude, hein. C'est difficile d'aujourd'hui de lire. Le lire en ancien français, c'est impossible pour quelqu'un qui ne lit pas. Non, pas du tout. Non, ça, je crois pas, parce que en fait, ce qui est difficile, c'est il suffit de le lire à haute voix souvent pour en comprendre énormément. Hein, oui, c'est pas évident non plus. C'est comme Montaigne dans l'ancien français. Il faut ça demande une certaine médiation quand même. Oui, c'est vrai, un peu d'habitude. Oui, c'est sûr, et des notes. Mais c'est pas du tout aussi impossible qu'on pourrait le croire de prime abord. Et justement parce que ce rapport à l'oralité, alors bien sûr, bien évidemment, entre Rabelais et nous, il y a 50 réformes de l'orthographe, transformation de la langue écrite. Mais quand on l'entend ou on retourne, en tout cas à cette prononciation, bien on en comprend bien plus. Bien plus facilement qu'en le lisant si on n'a pas l'habitude. Donc, c'est aussi vraiment une question de fréquentation du texte. Et c'est vrai qu'avec beaucoup de notes pour le lexique, hein, qui est parfois tout simplement extrêmement lointain et que nous ne connaissons plus, on parvient quand même à le lire dans le texte, je dirais pas assez facilement, mais en tout cas c'est possible. Allez, il nous reste quelques minutes, et s'il vous reste encore un petit peu de place après tout ce qu'on vient de manger, je vous propose de boire, de prendre place autour du banquet de Platon avec Socrate. On se mit en devoir de souper sans que Socrate fût entré. Agathon commanda donc plusieurs fois qu'on le fît chercher, mais je ne le permis pas. Or, le voilà qui arrive, pas avec un retard aussi considérable qu'à son ordinaire, et pourtant à peu près à la moitié de notre souper. Sur ce, Agathon, il était en effet justement l'unique occupant du dernier lit, « Ici, Socrate, dit-il, installe-toi près de moi. » Une fois Socrate étendu sur le lit et prenant part avec les autres convives au souper, on fit les libations, on entonna les chants en l'honneur du dieu, on s'acquitta des autres pratiques consacrées, sur quoi on se préoccupa de boire. Or, ce fut Pausanias qui fut le premier à parler, et à peu près en ces termes, « Eh bien, quelle sera pour nous, messeigneurs, la façon la plus commode de boire ? Quant à moi, je vous l'avoue, je me trouve tout à fait incommodé, réellement, de la beuverie d'hier, et j'ai besoin de reprendre un peu haleine. » Ce qui, je pense, est aussi le cas de la plupart d'entre vous, puisqu'hier vous étiez là. Examinez donc de quelle façon nous pourrions boire le plus commodément. Voilà qui est assurément fort bien parlé, Pausanias, dit alors Aristophane. De n'importe quelle manière, se ménager avec la boisson un accommodement, car je suis, moi aussi, de ceux qui hier ont fait le plongeon. Alors voilà comment se file la comparaison entre la nourriture corporelle et la nourriture de l'esprit, puisque dans le banquet de Platon, dont vous venez d'entendre une lecture du début du texte faite par Michel Aumont, tout le monde est en place pour, semble-t-il, pour manger ou pour boire, et finalement non seulement la plupart des convives ont trop bu la veille, ils ont une gueule de bois littéralement, donc ils ne vont pas boire, mais surtout ils ne les vont pas à proprement parler manger, Mathias Sénard, c'est étrange. Non, c'est étrange, le symposium avait ses règles. Moi, ce qui me fascine dans ce texte, c'est justement la présence des corps. Hein, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, pour écrire ou pour philosopher, on est avant tout un corps. Et le début du banquet parle de cela. On sait que Socrate, par exemple, s'est lavé les pieds et qu'il a mis des sandales neuves pour aller chez Agathon. On apprend que donc ils ont bu énormément la veille et qu'ils ont cette gueule de bois terrifiante qui fait que ils préfèrent y aller doucement, et ce qui va leur donner l'occasion de parler, puisque on comprend même au milieu ou à la fin du texte, hein, que quand on est trop saoul, on dit n'importe quoi, puisqu'il y a justement l'irruption d'un nouveau convive ivre qui montre bien que quand on a trop bu, on peut plus réellement philosopher à part pour dire des bêtises. Donc c'est justement cette question d'équilibre du corps, elle est vraiment posée, c'est comment être à la fois présent dans un banquet, faire des libations, s'enivrer mais sans aller trop loin et perdre l'entendement dans la boisson. Et ça, c'est assez fascinant de voir que ce sont des questions qu'on pourrait poser à peu près dans les mêmes termes. Enfin, évidemment, pas sans l'aspect religieux des libations que nous n'avons plus. Mais en tout cas, c'est cette question. Ça me fait penser un peu comme autrefois, on se réglait, comme ils disent dans le banquet, non pas pour boire, mais pour fumer l'opium, par exemple. Cette possibilité qu'on avait au Moyen-Orient, à plusieurs, de faire tourner une pipe d'opium pour libérer la parole, l'esprit, s'éclairer l'esprit, être présent vraiment ici et maintenant, tous ensemble, mais avec un règlement extrêmement précis, hein, chacun à son tour. Là, il y a aussi un rituel de l'ivresse très beau et qui participe justement de cette relation entre le corps et l'esprit. D'autant que Socrate, on l'apprend au cours du texte, c'est celui qui peut boire énormément sans jamais devenir ivre. Oui, alors ça, c'est... Il tient l'alcool, c'est... comme on dit. Oui, mais c'est une propriété de d'alcoolique. Hein. On sait, c'est sans doute parce qu'il boit beaucoup qu'il a cette cette possibilité. Je pense que il n'y a pas de miracle hein, en matière d'empoisonnement alcoolique. Je pense que les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Oui, mais alors Socrate justement... alcoolique, là, ça change toute l'histoire de la philosophie, hein, ce que vous dites. Non, peut-être pas. Oui, enfin, alcoolique, peut-être pas forcément malade, mais en tout cas, on voit bien que c'est pas du tout ses premières libations, ni son premier banquet. Hein, mais en même temps, ce qu'on nous dit aussi au début du texte, c'est que ce banquet est mythique. Justement pour ça, bon, non seulement parce qu'il est question d'amour, hein, mais aussi parce que c'est le lendemain d'une très grande beuverie qui, elle, n'a pas donné autant de discours philosophiques dont on se souvient 50 ou 60 ans après, si je me souviens bien, de l'introduction du banquet. Merci beaucoup, Mathias Sénard. On va se quitter avec cette... vos propos et puis cette idée d'un Socrate alcoolique, je vais y réfléchir. Je pense que ça doit changer pas mal de choses. Merci infiniment d'avoir parlé de littérature et de nourriture ce matin. Je rappelle votre dernier roman paru, hein, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. On le trouve aux éditions Actes Sud en 2020. On se quitte avec des Roll Mops, Rock and Roll Mops. C'est Henri Salvador, une chanson de Boris Vian. Je laisse lui dans un instant. Face à la lueur que j'ai dans l'œil, elle est tombée comme une feuille, dans mes grands badauds en houtant. On s'est aimé comme des dieux, à savoir on s'est resté bleu. Le bonheur jouait dans un coin, des airs de jazz qui swingaient bien. Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin à l'eau du pont. Montez-moi donc, de quoi manger, sinon je vais crever. Qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Apportez-moi sans hésiter. Rock and roll, ma. Avec du pain beurré. Rock and roll, ma. Et du bifteck haché. Rock and roll, ma. Avec un œuf à cheval. Rock and roll, ma. Je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard, de sapajou, du foie de lion au salsifis, de la tête de l'air au fric confit. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Rock and roll, ma. Ça m'a réconforté. Rock and roll, ma. Je suis plein à craquer. Rock and roll, ma. Ma force avait couplé. Rock and roll, ma. On est retourné se coucher. Sharp, sharp, ouh, ouh, pop. Dabba dip, dubi, dabba, dabba, dabba, dabba. Et oui, après avoir bien mangé, on peut bien danser. Rassurez-vous, demain, le menu sera beaucoup plus frugal. On parlera de Rousseau et on se demandera comment garder la ligne avec Rousseau. Lui, il est plus dans cette perspective-là. D'ici là, gardons la ligne éditoriale et retrouvons Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. La Terre est-elle transparente? Elle l'est, par exemple, pour les ondes sismiques. C'est un exercice de SVT qui m'avait particulièrement marqué au collège. D'une courbe qui cassait en plusieurs endroits, on pouvait inférer simplement, en reportant ces cassures, l'existence de la croûte du manteau et du noyau terrestre. Transparente, la Terre l'est aussi pour les neutrinos qui la traversent presque sans rien sentir. Les détecteurs enfouis sous la glace polaire regardent indifféremment vers le ciel ou la Terre, comme on voit le Soleil même avec ses paupières fermées. La NASA a d'ailleurs récemment diffusé une image du Soleil prise à travers la Terre en collectant les neutrinos émis par celui-ci, comme si la Terre était devenue, dans cette expérience, l'équivalent du corps vitreux de l'œil, et on pourra probablement bientôt utiliser le magma de son manteau comme une sorte de lentille, et pourquoi pas ses plaques continentales comme un diaphragme à iris. La transparence de la Terre a ainsi fini par déborder le domaine exclusif de la science-fiction dont elle a constitué longtemps l'un des tropes les plus singuliers, par exemple dans le génial créateur d'étoiles du pionnier de la SF, Olaf Stapledon, ou plus près de nous, avec ses applications de réalité augmentée qui permettent de regarder, sur un smartphone, les étoiles qui passent comme des poissons entre nos pieds. le thème du tunnel qui traverserait la Terre se rattache aussi à cet imaginaire si profond que le remake de Total Recall remplace la colonie martienne du premier film par une colonie australienne accessible par un ascenseur passant par le centre de la Terre. C'est encore l'argument de l'une des meilleures aventures de Picsou par Dan Rosa quand le dissous-tout inventé par Géo Trouve-Tout creuse un puits à travers la Terre. Un puits que l'on retrouve dans les délicieuses planètes transversables de Mario Galaxy, sans parler bien sûr des théories de la Terre creuse, nouvelle itération de cet imaginaire. Alors attention Aurélien, on entend votre micro qui frotte contre votre peau, votre habit, et ça, on perd le sens de vos propos, c'est bien dommage. Alors moi j'ai une question à vous poser à mon tour, est-ce que ça veut dire que... qu'est-ce que ces mythes dont vous parlez racontent de notre rapport à la Terre ? Ben sans doute qu'il serait arbitraire et que nous pourrions tout aussi bien flotter dans l'espace ou bien que la fameuse allégorie de Kierkegaard qui nous représente nageant à la surface de l'eau et tenant par notre seule foi au-dessus des gouffres du néant pourrait être plus vrai qu'on pense. C'est au-dessus d'un gouffre de magma que nous passons notre vie. Toute la conquête spatiale ne serait ainsi qu'une opération de prestidigitation qui viserait à faire disparaître la Terre comme un antidote radical à l'angoisse kierkegaardienne. Mais c'est un autre problème philosophique que ces mythologies de la disparition de la Terre se rattachent quand, moment crucial dans l'anthropologie des modernes, le philosophe Locke décide de partager les qualités sensibles entre qualité première et qualité seconde, qualité indépendante du sujet et qualité qui requiert celui-ci. À ce moment-là, Locke fait, contre ses intuitions aqueuses d'une Terre transparente, de la solidité du sol une qualité première. Que nous ne traversions pas la Terre comme une onde, qu'un matelas nous empêche de sombrer dans les étoiles quand nous dormons, cela est pour Locke une donnée métaphysique indépassable. On pourrait presque parler d'une inversion métaphysique de la théorie de la gravité. Nous tombons, oui, mais en même temps, il faut que quelque chose nous retienne. Et donc la transparence de la Terre pour Locke ne saurait être qu'illusoire ? Oui, car il faut bien qu'elle résiste au poids de notre sommeil, et c'est presque une définition de la matière, quelque chose qui résiste au sommeil et à tous ces rêves de disparition métaphysique. Mais c'est nous, en revanche, sur cette terre finalement opaque et nécessairement solide, qui devenons transparents en flottant dans l'ascenseur de verre de nos fantasmes métaphysiques, comme des méduses dont la pensée urticante verrait partout le néant, le froid, la transparence, jusqu'à douter de l'existence de l'eau. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui c'était Jules Barbier en compagnie de Baptiste Botella, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. À la lecture des textes cette semaine, Denis Podalides. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la nourriture. Je mange donc je suis. Je mange mais pas trop et pas n'importe quoi. Ça c'est Rousseau qui vous le dira demain. On se demandera comment garder la ligne avec Rousseau. Un indice, boire des laitages et manger de la viande. Là encore, pas n'importe quelle viande. Mais le but, c'est d'être le plus près possible de la nature. Le Rousseau ne va pas changer sa propre philosophie à table. Et ce sera le philosophe Olivier Assouli qui sera avec nous pour en parler. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez, quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Voilà, on se retrouve demain à 10h. D'ici là, bon appétit. Restez à l'écoute sur France Culture.